السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Donc bienvenue à tous. حياكم الله. Donc comme prévu, inshallah ta'ala, nous allons étudier le hadith 28 et 29 du livre intitulé « Les 40 hadiths » de l'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous allons commencer par le hadith 28, qui est le hadith de Al-Ibad ibn Sariyah, qu'Allah l'agré. Donc d'après Abi Najih, Al-Ibad ibn Sariyah, qu'Allah l'agré, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous adressa une exhortation qui fit frémir nos cœurs et couler les yeux. Nous lui dîmes alors: au messager d'Allah, on dirait l'exhortation de quelqu'un qui présente ses adieux. Adresse-nous donc une recommandation. Il dit alors: je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave. Ceux qui vivront parmi vous verront de nombreuses divergences. Suivez donc ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvelles en religion, car toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, qui a dit: c'est un hadith bon et authentique. Donc ce hadith est un hadith immense, et les savants lui ont donné une importance particulière. Il n'y a pas de doute que celui qui médite sur l'état actuel de la communauté constatera qu'elle se trouve dans de nombreux troubles. Beaucoup de sectes sont apparues et toutes prétendent être sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Les innovations sont de plus en plus répandues et il y a de plus en plus d'épreuves. Et dans ce hadith, il y a la solution à tout cela. Donc le musulman se doit de comprendre ce hadith et le mettre en pratique. Donc ce hadith est d'après Abi Najih Al-Ibad ibn Sariyah. Et ce compagnon, qu'Allah l'agré, a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il faisait partie de ce qu'on appelle Ahlu Sofa. Et Ahlu Sofa sont ceux qui ont émigré à Médine, mais qui n'avaient pas de refuge, et à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réservé un endroit dans la mosquée pour y vivre. Leur nombre atteignait parfois 80 et des fois moins. Les compagnons leur ramenaient de la nourriture, du lait et d'autres choses qu'ils leur donnaient en aumône. C'est eux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda d'aller chercher lorsqu'il trouva le récipient de lait chez lui, en compagnie d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré. La deuxième, c'est qu'il fait partie de ceux qui sont visés par le verset 93 de Sourate le Repentir. En effet, un groupe de personnes est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk pour lui demander une monture pour la bataille. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne leur en a pas trouvé. Et ils sont alors partis attristé de ne pas pouvoir prendre part à la bataille. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Donc nul reproche non plus à ceux qui viennent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu dis: je ne trouve pas de monture pour vous, et qui s'en vont si tristes de ne pas trouver de quoi s'équiper que leurs yeux débordent de larmes. La troisième, il n'y a que trois personnes parmi les compagnons et les tabi'in qui ont été cités dans les hadiths qui ont la kunya de Abu Najih. Le premier, c'est donc ce compagnon qui est Al-Arbab ibn Sariyah. Le deuxième, c'est Amr ibn Abasa, qui est lui aussi un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième, c'est Yassar al-Mekki, qui lui fait partie des tabi'in. Donc ensuite, Al-Arbab ibn Sariyah, qu'Allah l'agrédit, le messager d'Allah, nous adressa une exhortation. Et les exhortations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été décrites par les compagnons comme étant courtes, concises, espacées et d'une éloquence incroyable. Et lorsqu'il dit qu'il fit frémir les cœurs et couler les yeux, ceci nous montre à quel point les compagnons avaient le cœur doux lorsqu'on leur rappelait Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémissait et leurs larmes coulaient par crainte d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que ceci est une caractéristique des vrais croyants. Il dit: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Il dit: les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah. Verset 2, sourate le butin. Et il est très important que le croyant fasse les causes pour que son cœur soit vivant. Et les causes à cela sont nombreuses. Parmi elles, nous avons l'obéissance d'Allah et son évocation. Apprendre aussi la science religieuse, la lecture du Coran, rester en compagnon des pieux et des gens vertueux, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et concernant la parole, nous lui dîmes: alors, ô messager d'Allah, on dirait l'exhortation de quelqu'un qui présente ses adieux, adresse-nous donc une recommandation. Donc ceci nous montre l'intérêt, l'énorme intérêt que portaient les compagnons au rappel, car ils ne se sont pas contentés de l'exhortation, mais plutôt lorsqu'ils ont ressenti que ce n'était pas une exhortation comme les autres, ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une recommandation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à cela et dit: je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a commencé sa recommandation par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous montre son importance. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de commencer par ce qui est d'une grande importance, comme par exemple dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad, qu'Allah l'agrée, au Yémen, il lui dit: tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Ensuite, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la prière et la zakat. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par l'unicité pour montrer son importance. Et il a fait de même dans ce hadith. Il a commencé sa recommandation par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer son importance. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi la recommandation d'Allah au premier et au dernier parmi ses serviteurs. Il dit dans le verset 131 de Surat An-Nisa, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'issue aux épreuves et aux problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 de Sourate le Divorce, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable. Et ici, quelqu'un pourrait demander, qu'est-ce que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'une des meilleures définitions de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle de Talq ibn Habib, qui fait partie des tabi'in. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit concernant la crainte d'Allah, c'est agir dans l'obéissance d'Allah d'après une lumière venant d'Allah. C'est-à-dire avec science, en espérant la récompense d'Allah. Et c'est abandonner la désobéissance d'Allah d'après une lumière venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave. Donc après avoir donné une recommandation, après avoir donné une recommandation générale, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné une recommandation particulière par l'écoute et l'obéissance au gouverneur, malgré que celle-ci fait partie de la crainte d'Allah. Tout ceci pour appuyer sur ce point et montrer son importance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté sur l'écoute et l'obéissance au gouverneur. En effet, dans de nombreux ahadiths, il en a parlé pour montrer à sa communauté son importance. Surtout qu'à l'époque pré-islamique, les Arabes avaient de la répulsion pour cela. L'imam Shafi'i, donc l'imam Shafi'i, a dit dans son livre intitulé Al-Risala, il dit les Arabes qui étaient autour de la Mecque avaient de la répulsion pour donner obéissance à celui qui dirige. Fin de citation. Et Cheikh al-Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre intitulé Masa'il al-Jahiliya concernant les polythéistes, il dit la désobéissance à celui qui détient le commandement était un mérite, et l'écoute et l'obéissance une humiliation et une faiblesse. Fin de citation. Et les gens de la Sunna ont toujours donné une grande importance à ce sujet, qui est considéré comme un de leurs fondements. En général, tu ne trouveras pas un livre de croyance sans y trouver l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Et les raisons qui ont poussé les savants de la Sunna à mentionner ce fondement dans leurs livres sont nombreuses. Parmi celles-ci, montrer l'importance de ce fondement et la grande place qu'a le gouverneur en islam. Et le grand savant Abdessalam Ibn Barjes, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne dans son livre intitulé Mu'amalatul Hukam ala Dawil Kitab wa Sunna, le comportement à l'égard des gouverneurs à la lumière du Coran et de la Sunna. Il dit qu'en général, les gens aiment la justice, mais qu'en revanche, ils ne font pas forcément preuve de justice et d'équité, et que s'il n'y avait pas de gouverneur pour gérer leurs affaires, les gens seront comme les animaux de la jungle et les poissons de mer. Le fort mangerait le faible. Ensuite, le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous donne un exemple à cela en comparant les gouverneurs à des panneaux de signalisation et mentionne qu'en leur présence, la circulation est ordonnée et que tout le monde suit les règles. Car ces panneaux règlent la circulation, mais qu'en leur absence, c'est l'anarchie et le chaos, et les gens iront même jusqu'à s'insulter. Et cela peut même mener à l'altercation. Il dit ensuite, rahimahullah, alors que dire d'un pays sans gouverneur, qui empêche l'injustice et qui rend justice aux ayants droit, il n'y a pas de doute que cela amènera le chaos. Fin de citation. Et aussi, pour réfuter les gens de l'innovation, car parmi les fondements de certains d'entre eux, tels que la secte qu'on appelle Al-Khawarij, et aussi la secte qu'on appelle Al-Mu'tazila, pour ne citer qu'eux, il y a le soulèvement contre les gouverneurs et leur désobéissance. Il y a aussi le besoin de la communauté musulmane à connaître ce fondement, car l'ignorance de ce fondement est la cause de nombreux troubles. C'est pour cela que plus ce besoin a augmenté, et plus les savants, savants de la Sunna, ont clarifié ce fondement. Car la règle chez les pieux prédécesseurs est la suivante. Plus le besoin des gens augmente, et plus ils donnent de l'intérêt à cette chose dont les gens ont besoin. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé lorsque les gens de l'innovation, à l'époque de l'imam Ahmed, ont commencé à dire que le Coran est créé. Et cette parole s'est propagée. Ce qui a poussé les pieux prédécesseurs à beaucoup clarifier que le Coran n'est pas créé et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'avant, ils n'avaient pas besoin d'éclaircir ce sujet, car les choses étaient claires. Donc après cela, il faut savoir, et c'est une chose importante, que les gouverneurs musulmans ont certains droits sur nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont mentionné, et que les pieux prédécesseurs ont clarifié. Parmi ces droits, l'écoute et l'obéissance. Mais il faut savoir que cette obéissance doit être dans le bien. Allah dit dans le verset 59 de Surat An-Nisa, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. » Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc dans ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de son obéissance et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le verbe obéir. Mais lorsqu'il a parlé de l'obéissance des gens qui détiennent le commandement, qui sont selon la vue le plus juste, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim dans son livre « Ar-Risala al-Tabukiyya », les savants et les gouverneurs, il n'a pas mentionné le verbe « obéir ». Quelle est la cause à cela? L'éminent savant Abdurrahman ibn Si'adi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit concernant le tafsir de ce verset. Allah a ordonné l'obéissance aux gens qui détiennent le commandement, mais ceci à condition qu'ils n'ordonnent pas la désobéissance d'Allah. Et si c'est le cas, alors il n'y a pas de désobéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le verbe n'a pas été mentionné pour leur obéissance. Fin de citation. Parmi leurs droits, il y a aussi invoquer en leur faveur. Et ceci est certes la voie des pieux prédécesseurs. En effet, ils invoquaient en faveur du gouverneur. Al-Fudayl ibn Iyad disait: si j'avais une invocation exaucée, je l'aurais utilisée en faveur du gouverneur. Allahu Akbar. Comme l'a mentionné Abu Nu'aym dans son livre intitulé Al-Hilya. Et ceci a été rapporté aussi de l'imam Ahmed et d'autres. Et les pieux prédécesseurs considéraient le fait d'invoquer pour le gouverneur comme un signe que la personne fait partie des gens de la Sunna. L'imam Al-Barbahari a dit dans son livre intitulé As-Sunna: si tu vois une personne invoquer contre le gouverneur, alors sache que c'est un innovateur. Et si tu vois une personne invoquer en faveur du gouverneur, alors sache qu'il fait partie des gens de la Sunna, Insha'Allah. Il y a aussi parmi leurs droits ne pas mentionner leurs péchés et leurs défauts en public, car ceci va mettre de la haine dans les cœurs des gens de la masse. Et ça les poussera à ne plus écouter le gouverneur, ce qui mènera à la division. Et la division, comme vous le savez, c'est une chose interdite. Et ceci est même une caractéristique des polythéistes. Aussi, parmi les droits des gouverneurs, il y a le conseil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Temim ibn Aws, Ad-Dari qu'Allah l'agréa, a dit: la religion, c'est le conseil. Les compagnons lui dirent: envers qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: envers Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté, rapporté par Muslim. Et le conseil envers le gouverneur doit se faire en privé. Non pas comme font certaines personnes qui, lorsqu'ils veulent prodiguer un conseil au gouverneur, ils le font via le sermon du vendredi ou via les réseaux sociaux. Et lorsque tu les questionnes sur leurs agissements, ils te disent que ceci, Akhil Karim, ça rentre dans le conseil. Et d'autres vont même te dire que ceci rentre dans ce qu'on appelle l'interdiction du blâmable. Et il n'y a pas de doute que ceci n'est pas la voie des pieux prédécesseurs. Abu Asim rapporte dans son livre intitulé As-Sunna, d'après Iyad ibn Ran al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut conseiller le gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public, mais plutôt qu'il lui prenne la main et qu'il s'isole avec lui. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc ceci est la voie à suivre. Après avoir entendu donc cette parole, quelqu'un pourrait se demander: comment peut-on faire pour les conseiller et pour interdire le mal? Car en règle générale, on ne voit pas le gouverneur facilement. Donc premièrement, il faut savoir que ceci est l'une des raisons qui pousse certaines personnes à mentionner les défauts des gouverneurs musulmans en public et les dénigrer. Alors qu'en vérité, si tu ne peux pas le conseiller directement, Tu dois patienter et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand savant Ibn Abdelbar mentionne dans son explication du livre Al-Muwatta de l'imam Malik, qui est intitulé At-Tamhid, il dit: si tu n'es pas en mesure de conseiller le gouverneur, alors patiente et invoque Allah. Alors patiente et invoque Allah. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisaient l'insulte envers les gouverneurs. Fin de citation. Le dernier point que nous allons mentionner concernant les droits des gouverneurs musulmans, c'est de ne pas sortir contre eux. Ceci est interdit. Même si le gouverneur est injuste, le musulman doit patienter face à ses injustices. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la voie à suivre dans sa sunna. Hudhayfa ibn al-Yaman rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après moi, il y aura des imams qui ne suivront pas ma voie et ne se conformeront et qui ne se conformeront pas à ma sunna. Il y aura parmi eux des hommes au cœur de diable dans une enveloppe humaine. Ensuite, Hudhayfa ibn al-Yaman demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment devais-je agir au messager d'Allah si une telle situation se présentait à moi? Il répondit alors: tu écouteras et obéiras l'émir, c'est-à-dire le gouverneur, même si on te fouette et qu'on prend tes biens. Écoute et obéis. Écoute et obéis. Et le hadith est rapporté par Muslim. Et la sortie contre le gouverneur est de deux catégories. La première, sortir contre le gouverneur avec sa langue. Et cela consiste à le dénigrer en public et dévoiler ses défauts. La deuxième, sortir contre le gouverneur avec les armes, c'est-à-dire se soulever contre lui, comme ce qu'on a pu voir ces dernières années dans certains pays. Et ces deux catégories sont interdites. En sachant que la sortie contre le gouverneur avec la langue n'est qu'une passerelle vers la sortie contre le gouverneur avec les armes. L'éminent savant, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à ce sujet: dévoiler les défauts des gouverneurs et les mentionner sur les minbars ne fait pas partie du manhaj des pieux prédécesseurs, car ceci mène au coup d'État et à la désobéissance du gouverneur dans le bien, et cela mène à sortir contre ce dernier, ce qui est nuisible et non profitable. Fin de citation. Et concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si celui qui vous dirige est un esclave, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné certaines caractéristiques de cet esclave. Comme par exemple dans le hadith de Anas, qu'Allah l'agrée, qui est rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il vient d'Abyssinie et que sa tête ressemble à un raisin sec. Tout ceci pourquoi? Pour attirer notre attention sur le fait qu'on doit l'obéissance au gouverneur dans le bien, malgré sa nationalité ou son physique. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui vivront parmi vous verront de nombreuses divergences. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de la présence de divergences après lui. Et il y a dans cela, comme les savants l'ont mentionné, un signe de la prophétie. Car il nous a informé d'une chose qui va se passer dans le futur. Et ces divergences-là sont générales, que ce soit des divergences dans la croyance, dans la méthodologie, dans les actions, etc. Mais après avoir mentionné le problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la solution. Quelle est cette solution? Il dit ensuite: suivez donc ma sunna. Et la sunna des califes bien guidés. Donc la solution à toutes ces divergences, c'est le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous montre plusieurs choses. Parmi elles, l'obligation du suivi de la sunna. Car il est certes obligatoire pour le musulman de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout que c'est l'une des conditions d'acceptation de l'adoration. Et il y en a deux qui sont la sincérité premièrement, c'est-à-dire que l'action soit faite pour Allah uniquement. Et deuxièmement, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que l'action soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre aussi l'importance de la science. Car comment pourrait-on suivre la sunna si nous n'apprenons pas notre religion? Comment pourrait-on faire la différence entre la sunna et l'innovation si nous sommes ignorants concernant notre religion? Il faut absolument apprendre la religion pour pouvoir obéir à cet ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre sa sunna. Ça nous montre aussi que la solution aux troubles dans lesquels se trouve la communauté ne se trouve pas dans les manifestations, ni dans les choses innovées, mais plutôt la solution se trouve dans le suivi du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre aussi que ce qu'a fait les compagnons après le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une innovation, mais plutôt une sunna. Comme par exemple l'appel à la prière que le compagnon Othman ibn Affan a rajouté le vendredi. Radiallahu anhu. Et lorsque le prophète a dit, donc accrochez-vous-y, mordez-y-vous ou mordez-y avec vos molaires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté d'ordonner à ses compagnons de suivre sa sunna et celle des califes bien guidés. Mais il a en plus de cela rajouté le fait de s'y accrocher fermement. Il y a dans cela une confirmation de suivre la sunna, de suivre sa sunna et celle des califes bien guidés. Et il a comparé la sunna à quelque chose qu'on mord pour montrer à quel point on doit s'y attacher. Et comme certains savants l'ont mentionné, accroche-toi à la sunna comme l'avare s'accroche à son argent. Accroche-toi à la sunna comme l'avare s'accroche à son argent. Qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Comme vous le savez, l'avare ne lâche pas un centime de son argent. Soyez donc pareil. Soyez donc comme ça, chers frères, avec la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit cette recommandation en disant « Et prenez garde aux choses nouvelles en religion, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit sa recommandation par une mise en garde contre l'innovation. Et l'innovation, c'est toute chose qu'Allah et son prophète n'ont pas légiféré et qui n'a pas de base dans la religion, comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Et toutes les innovations sont interdites. Car dans ce hadith, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que toute innovation est égarement. Au contraire, de certaines personnes qui vont nous dire que l'innovation est de deux types. Il y a la bonne innovation selon eux et la mauvaise innovation. Et ceci est certes contraire au texte, car si tel était le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait clarifié, car il n'y a pas un bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré à sa communauté. De même, lorsqu'on regarde les paroles des pieux prédécesseurs, nous ne voyons pas qu'ils ont dit qu'il y a de bonnes innovations. C'est pour ça que nous leur disons à ces personnes qui mentionnent que l'innovation est de deux types, nous leur mentionnons La parole de Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait: arrête-toi où les gens se sont arrêtés, c'est-à-dire les compagnons, car ils se sont arrêtés avec science. Car ils se sont arrêtés avec science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et ce qui est étrange, c'est que beaucoup de ceux qui disent qu'il y a de bonnes innovations de nos jours prétendent suivre l'école juridique de l'imam Malik. Alors que l'imam Malik, qu'Allah l'agré, était connu pour son attachement à la sunna et pour sa mise en garde contre l'innovation et les innovateurs. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: quiconque fait une innovation en islam qu'il voit bonne a prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message, car Allah dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ensuite, l'imam Malik dit: alors, ce qui ne faisait pas partie de la religion ce jour-là n'en fait pas partie aujourd'hui. Et a mentionné cette parole l'imam Shatibi dans son livre intitulé Al-I'tisam. Et parmi les arguments avancés par ceux qui disent qu'il y a de bonnes innovations, il y a la parole de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit: quelle bonne innovation! Lorsqu'il a vu les gens prier, Tarawih, regroupés derrière un imam. Donc cette parole-là fait partie de leurs plus grands arguments pour dire qu'il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Et ceci en vérité n'est pas étonnant de leur part, car les gens du faux ont une règle d'or que les savants de la sunna ont mentionnée dans leurs livres. Et cette règle est « يَعْتَقِدُونَ ثُمَّ يَسْتَدِلُّونَ » c'est-à-dire, ils croient en une chose, ensuite ils cherchent une preuve du Coran ou de la sunna pour la justifier. Par exemple, on prend l'exemple mathalan des Khawarij. Les Khawarij, concernant les grands péchés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que celui qui fait un grand péché sort de l'islam. Après avoir cru en cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché dans le Coran et dans la sunna une preuve qui pourrait justifier leurs paroles. Telle que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, le fornicateur lorsqu'il fornique n'est pas croyant. Ils ont pris alors cette preuve et ont dit que ceci montre que celui qui fait un grand péché sort de l'islam. Et ils ne se sont pas souciés des autres preuves claires qui montrent le contraire. Car en vérité, ce n'est pas la vérité qu'ils veulent suivre, mais plutôt leur passion. Alors que chez les gens de la sunna, c'est le contraire. La règle chez les gens de la sunna, c'est « yastadilloun thumma ya'taqidoun » c'est-à-dire qu'ils regardent toutes les preuves et regardent comment les pieux prédécesseurs les ont compris. Ensuite, ils basent leur croyance sur ces preuves-là, comme l'a mentionné Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Et concernant leur argument sur lequel ils se sont basés par rapport à la bonne innovation, en réalité, cet argument est contre eux et non pas pour eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Tarawih en groupe à son époque. Ensuite, il l'a délaissé de peur qu'elle devienne obligatoire pour sa communauté. Et ceci a continué jusqu'à l'époque de Omar ibn Khattab et à son époque, radiallahu anhu. Et à son époque, lorsque les gens priaient Tarawih, ils ne le priaient pas réunis derrière un seul imam. Et lorsqu'il est rentré dans la mosquée et qu'il a vu les gens regroupés derrière un seul imam, il a dit: quelle bonne innovation! Car ceci n'était pas connu à son époque. Donc cette action a bien une base dans la religion. C'est pour cela qu'il est impossible que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, voulut par sa parole l'innovation dans la religion, mais plutôt il voulait par sa parole l'innovation dans la langue arabe, qui est toute chose nouvelle qui n'a pas de semblable. Comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah. Et il faut prendre garde à toutes les innovations et n'en négliger aucune, car l'innovation peut commencer petite et finir par une grande innovation. Et la preuve de cela, c'est l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud et Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah les agrée, que rapporte l'imam Darimi. Abu Moussa al-Ash'ari vit un jour à la mosquée un groupe de personnes qui attendaient la prière. Et dans chacun de ces groupes, il y avait une personne qui possédait un caillou et qui disait aux gens de dire 100 fois Allahu Akbar, 100 fois La ilaha illallah et 100 fois Subhanallah. Puis les gens répétèrent cela. Après cela, Abu Moussa al-Ash'ari partit informer Abdullah ibn Mas'ud de cette affaire. Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud vit ce groupe, il les blâma pour leur innovation. Et ils rétorquèrent: Oh Abu Abdurrahman, donc ça c'est la kunya de Abdullah ibn Mas'ud, nous voulions par cela que le bien. Et il leur répondit cette parole qui est connue chez les gens de la sunna. Il dit: et combien de personnes voulant le bien ne l'atteignent pas? Et Amr ibn Salama, qu'Allah l'agré, dit à propos de ce groupe: j'ai vu la plupart de ces gens-là nous combattre avec les Khawarij. Nas'alullah al-afiyya wa salama. Ce hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc ils ont commencé par une innovation que beaucoup considèrent comme petite et ont fini par rentrer dans les rangs des Khawarij et combattre les compagnons. Et avant de passer au hadith suivant, il est bon de souligner un point très important. On tire de la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre l'innovation une mise en garde contre les innovateurs. Car l'innovation ne vient pas seule, mais ce sont plutôt les gens qui font les innovations. Il faut donc prendre garde à ces gens-là et mettre en garde contre eux. Et ici, quelqu'un pourrait dire: il ne faut tout de même pas abuser. Malgré leurs innovations, ce sont des musulmans. Ce n'est pas une bonne chose de mettre en garde sur eux, surtout qu'Allah, dans le Coran, les a appelés musulmans. Donc nous répondons à cela que les bonnes choses, on les prend du Coran et de la Sunna. Et dans le Coran et la Sunna, il y a de nombreuses mises en garde. Par exemple, dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre les mushrikines et les munafiqines, contre les polythéistes et les hypocrites. Subhanallah, le premier exemple qu'Allah nous donne dans le Coran, c'est celui des hypocrites. Pourquoi ? Ceci pour nous montrer leur dangerosité et pour nous mettre en garde sur ces gens-là. Les prophètes aussi ont mis en garde contre certaines personnes, comme par exemple le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il dit à un homme: innaka larawiyyun mubin, tu es un vrai dévoyé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a mis en garde contre les Khawarij et les a même appelés les chiens de l'enfer. Subhanallah. Tout ceci pour mettre en garde sa communauté contre ces gens-là. Et quelqu'un, malgré cela, il pourrait me dire, comme on l'entend souvent en France ou dans d'autres endroits, il ne faut pas parler sur ces gens, c'est-à-dire les gens qui font des innovations, les innovations telles que les frères musulmans ou Jamaat al-Tablir ou tout ce genre de personnes. Il ne faut pas parler sur ces gens, car malgré leurs innovations, ils secourent la religion, masha'Allah. Et la meilleure réponse qu'on peut donner à ce genre de paroles fragiles, telles que la demeure de l'araignée, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Kahf. Allah, il dit: وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, je n'ai pas pris pour soutien ceux qui égarent. Cheikh Al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah, dit concernant le tafsir de ce verset, c'est-à-dire, je n'ai pas pris pour soutien ceux qui égarent comme partisans qui secourent ma religion. Je répète, Cheikh Al-Uthaymeen dit concernant le tafsir de ce verset, c'est-à-dire, je n'ai pas pris pour soutien ceux qui égarent comme partisans, ceux qui égarent comme partisans qui secourent ma religion. Ensuite, il dit, car ceux qui égarent détournent les gens de la religion. Car ceux qui égarent détournent les gens de la religion. Donc, comment Allah peut-il les prendre pour soutien? Il dit ensuite, et ceci montre qu'il ne convient pas que tu prennes ceux qui égarent pour soutien, car ils ne te seront pas profitables, mais plutôt ils te nuiront. Donc ne compte pas sur les stupides et les gens des passions. Fin de citation. Voici ce qu'on peut dire concernant l'explication de ce hadith.